Parbleu, répondit le bandit d'un ton cynique, et je te garantis bien qu'il n'y a pas dans ta cave le moindre ravageur pour te repêcher cette fois. Et Rocambole serra le cou de la vieille, qui ne put même jeter un cri. Et cria à Zampa, « Tiens, sauce-la-moi proprement et qu'elle boive un bon coup d'eau douce, elle qui aimait tant l'eau de vie. » Puis il précipita Maman Fipard dans la cave. Cette fois, la vieille était bien étranglée, et le froid de l'eau ne la fit pas revenir. « C'est une habitude à prendre, » murmura Rocambole, qui regarda froidement le corps de sa mère adoptive qui flottait à côté du cadavre de Venture. Zampa, accroupi sur son échelle, tenait toujours la lanterne. « Eh bien, voilà qui est fait, » lui dit Rocambole. « Vous pouvez remonter à présent, monsieur l'intendant. » Zampa eut un frisson de joie et il commença son ascension, le couteau aux dents, s'aidant d'une main pour rencontrer les degrés de l'échelle, tenant la lanterne de l'autre. Bientôt, son corps sortit à moitié de la trappe, et pour remonter plus vite, il posa sa lanterne sur le bord et se prit à l'échelle des deux mains. Rocambole était derrière lui, et en ce moment, Zampa, tout occupé de ne point se laisser choir et de poser ses deux pieds solidement sur le seuil du taudis de Maman Fipard, en ce moment, disons-nous, Zampa entendit l'élève de Sir Williams qui lui disait d'une voix railleuse « Ah ça, mais vous êtes donc tous bêtes !» Et soudain il reçut un coup de poignard dans le dos, entre les deux épaules, jeta un cri, cessa de se cramponner à l'échelle et tomba dans le gouffre qui déjà avait englouti deux cadavres. Alors Rocambole retira l'échelle et laissa retomber la trappe. Petite garce s'est enfuie. Mais qui croit-elle être pour se jouer ainsi de moi? Un maudit bâtard! Non, mais je la tiens. Vous, lâchez la meute! Conseille mon cheval à l'instant! Je lâcherai les chiens à cette trousse. Mais ils risquent de l'écorcher. La meute! Lâchez toute la meute! Jean-Baptiste Barognan, vous êtes depuis plusieurs années directeur littéraire et l'animateur de ce secteur des éditions Marabout, qui a réédité un bon nombre d'œuvres marquantes du roman populaire. Vous êtes donc bien placé pour nous parler de Ponson du Terrail et de son œuvre. Pouvez-vous nous parler plus précisément de Rocambole? Qu'est-ce qui a passionné les foules dans Rocambole? Ces milliers de pages écrites, je pense... Je crois que Rocambole est intéressant. Je crois que le Rocambole est tout, c'est une masse d'écriture absolument invraisemblable qui charrie d'énormes intrigues, des coups de théâtre, parce que finalement il a élevé au rang de principe le coup de théâtre. Je pense que ce qui est intéressant en fait dans Rocambole, c'est essentiellement le fait que pour une des premières fois, je ne dis pas que c'est la première fois, mais pour une des premières fois, dans l'histoire de la littérature populaire, apparaît le héros dans le vrai sens du terme. Et le fait que ce soit un personnage qui constitue un mythe qui ait été révélé. Parce qu'en fait, les autres grands romans populaires sont intéressants. Je pense par exemple au Mystère de Paris, je pense même au Mystère de Londres de Paul Féval, il y a certains grands romans d'Alexandre Dumas, mais il n'y a pas vraiment un personnage qui se détache. C'est plutôt une atmosphère, c'est plutôt l'ingrédient historique. C'est la considération... essentiellement chez Zensu, de préoccupations très sociales. Or, l'intérêt, je pense, chez Ponson du Terrail, c'est de mettre l'accent sur le héros. je dirais pas l'homme seul, mais le héros, dans le sens où Tarzan est héros, dans le sens où peut-être Bob Moran est héros, dans le sens où Fantomas est héros. Et je pense qu'il a été le premier à mettre ainsi l'accent sur un seul personnage qui meurt d'une toute série de scènes, de péripéties, aussi bien d'ailleurs en France qu'ailleurs, puisqu'il va se balader jusqu'en Chine, et qui tourne autour du monde, qu'il est essentiellement mouvant, et aussi par le fait qu'il lui a donné un caractère un peu insaisissable, un peu bizarre, même très bizarre. En fait, il en fait un surhomme. Et je pense que le côté surhomme de Rocambole est extrêmement important, et il est certainement plus que les personnages sans peur et sans reproche qui existaient peut-être chez Gustave Aimard ou qui existaient ça certainement chez Paul Chaval avec Le Bossu. Didier Denax, aujourd'hui, c'est le roman populaire, c'est le feuilleton, c'est le roman noir, c'est le roman policier, c'est tout. Les mauvaises langues diraient c'est tout et c'est rien. Et pourtant, c'est un nom que tout le monde connaît, c'est Rocambole. Et Rocambole, le terme est resté, mais le personnage de Rocambole est un personnage très très important, aussi important peut-être que Vidocq, comme matrice de ce que sera le roman noir plus tard. Mais il y a toujours des choses qu'on retrouve chez tous les auteurs, c'est-à-dire chez tous les auteurs, et la manière dont ils traitent leur personnage. Rocambole, c'est la basse extraction, c'est quelqu'un qui va arriver du bas de la société et qui va exister uniquement parce qu'il va être l'agent de course pratiquement d'un espèce de savant fou. Donc ça, c'est des thèmes qu'on retrouve un petit peu dans toute la littérature populaire. Et il y a une chose qui est assez fascinante dans Pensons du Tirail. Moi, c'est bien sûr, il y a le personnage de Rocambole, mais c'est la manière dont ça fonctionne chez Pensons du Terrail, sur le fait que ces romans sont une espèce de décharge du crime. C'est-à-dire que tout agit sur l'accumulation. Donc on a pas mal de romanciers comme ça qui arrivent à faire deux pages d'accumulation d'objets et tout dans le nouveau roman. Mais là, c'est une accumulation. Alors là, il y a des meurtres, il y a des chantages, il y a des filles illégitimes, il y a des mariages qui ont été planqués, des doubles mariages et tout. Et chaque page est une accumulation, et Pensons du Terrail donc accumule, on pourrait dire, tous les poncifs du dysfonctionnement des familles et de la société, et il met ça au premier plan de ses romans. Alors ce qui me fascine, moi, dans Pensons du Terrail, c'est cette espèce de folie d'écriture, donc de noircir des pages les unes après les autres, et de les noircir, en plus de noircir les personnages, les situations, et d'accumuler, et il y en a jamais trop. Donc ça, c'est un espèce de repas panthéagruélique, comme ça, de meurtre. Et vous l'avez lu quand, la première fois ? Alors ça, c'est des lectures adolescentes, hein, qui remontent maintenant à 25 ans, facile. Donc j'ai des souvenirs comme ça, de très dilués des personnages. Il y a des choses qui me restent après, c'est d'avoir relu par morceaux, et c'est tout ce qu'on appelle les saillies dans Rocambole, dans Pensons du Terrail. Enfin, on va pas charger Rocambole. C'est le type qui est dans le parc, et il se promenait dans le parc, les mains derrière le dos, lisant son journal. Donc il y a ça, il y en a des dizaines et des dizaines, c'est pratiquement de l'écriture automatique. C'est de l'écriture automatique. Et puis le fait qu'il oubliait qu'il avait tué des personnages, il savait pas comment les faire revenir. Oui, il y a tout ça chez Pensons du Terrail. Il y a le fait qu'à un certain moment, il tue un personnage, il doit absolument le ressusciter, ce qui arrive. Alors ça aussi, qui est quelque chose, un thème très très très très important. Et comme c'est le début du caoutchouc, l'épisode d'après, il dit on lui avait tiré dessus, mais la balle avait glissé sur l'imperméable de caoutchouc. Donc on prêtait des vertus au caoutchouc qui étaient extraordinaires. Donc là, les gens qui font des préservatifs devraient s'inspirer un petit peu de Pensons du Terrail. Rocambole, j'hésite un peu sur la manière dont je dois aborder notre entretien. Parce que le nombre de vos aventures atteint un chiffre extravagant, bien plus de 20 000 pages, et surtout que vous y tenez tous les emplois. Second couteau, enfant criminel, génie du mal, assassin cruel, justicier, détective, avec vous on a toute la panoplie. Vous n'êtes pas un personnage de fiction comme les autres, vous êtes un cas. Je suis un personnage de feuilleton. Au milieu du siècle dernier, tout est possible pour un personnage de feuilleton. Celui qui m'a inventé ne s'en est d'ailleurs pas privé. Il n'a reculé devant aucune métamorphose. Et même aucune résurrection. Aucune invraisemblance. Je meurs souvent dans mes aventures et je renais. Non par miracle, mais par nécessité. Les lecteurs obligent mon père à me faire revenir dans l'action. Et il accepte toujours. Il livre sa copie au journal et travaille à ce que je reste le plus populaire possible. Si je résume mon parcours, ça me paraît presque simple. Dans le premier cycle de mes aventures, je suis un méchant cruel et sans scrupules. Dans la seconde partie, je veux me racheter, je fais le bien. Mais c'est beaucoup plus retors que ça. Surtout qu'il n'était pas prévu au départ que mon rôle devienne aussi important. Alors, Campbell, vous êtes né autour de 1855, naissance sur le plan littéraire, j'en rappelle les circonstances. Le directeur du journal La Patrie commande à un jeune homme de 25 ans un roman de 100 feuilletons. Ce jeune homme, c'est Alexis Ponson du Terrail, qui affirme descendre de du Guesclin. Oui. Oui, mais ce qui commence à rédiger est encore assez loin de mes aventures telles que vous venez de les décrire. Ponson écrit Les Drames de Paris, un mélodrame qui raconte la lutte fratricide entre le bon Armand de Kergaz et le méchant Andrea Filippone, alias Sir William. Pas de problème, c'est un gigantesque plagiat de tout ce qui a été publié dans le genre depuis 20 ans. Les Mystères de Paris de Gensu, les Mystères de Londres de Paul Féval, le tout proche Mohican de Paris de Dumas, le Vautrin de Balzac, les Mémoires de Vidocq. Ponson emprunte partout. Comme dans le roman de Gensu, il y avait une femme terrible, la Chouette, il invente l'équivalent qu'il baptise Maman Fipard. Comme la Chouette a un rejeton, Tortillard, il donne à Fipard un enfant adoptif, moi, Rocambole. C'est pas un nom très gentil, Rocambole. Ça désigne une variété d'ail. Donc j'ai un petit rôle. Qui s'amplifie au fil des pages. Je suis un gamin de 12 ans, un sale gosse, insolent, malicieux, corrompu. Gamin de Paris quand même. Seul charme d'alors. Et comment êtes-vous passé de la figuration au premier rôle? Tout simplement à cause de la manière dont Ponson du Terrail faisait mourir quelqu'un toutes les 10 pages. À ce rythme, il s'est vite trouvé en panne de protagoniste. Il ne restait plus de méchant pour aider Sir Williams, sauf moi. Mais pas pour longtemps. Je tombe dans la scène. C'est alors que Ponson m'en fait sortir en me donnant du galon. Je deviens lieutenant Sir Williams. Le plus étrange est que j'ai 12 ans quand je tombe dans le fleuve et que j'en ai 16 quand j'en sors. Le résultat, c'est que je n'ai rien connu entre 12 et 16 ans. 4 années vécues en 2 minutes. C'est fantastique, non? Oui, mais c'est qu'un début, parce que livre après livre, vous passez votre temps à mourir, à ressusciter, à mourir, à ressusciter. Le plus fort, c'est quand l'auteur imagine que je suis défiguré avec du vitriol. Mais quelques semaines après, il me redonne un visage beau, angélique. Comme si je n'avais jamais reçu ce vitriol en plein visage. Il n'avait vraiment aucun complexe, Ponson du Terrail. On parlait de lui, c'est avec un ton ironique, il me semble. Oh, il a fait du neuf avec du vieux. Il a pillé le meilleur chez ses prédécesseurs. Puis ensuite, il s'est laissé guider par son imagination. Et quelle imagination? Quelle imagination. Mais il a aussi intégré des choses qui n'existaient pas dans le feuilleton avant moi. Le voyage en train. Je pense aussi au revolver, une arme qui venait juste d'arriver d'Amérique. Alors, il se documentait? Parfois. On l'aidait souvent. Sa grande réussite est d'avoir marié le mélodrame et le roman à énigmes par une sorte d'écriture automatique. Je ne pouvais jamais prévoir ce qu'il allait me faire faire. Je ballottais d'un délire à l'autre. Il ne me laissait pas un temps de repos. Il était obligé. Puisqu'il obéissait au lecteur. Comment ça, il obéissait au lecteur? J'explique. Si Ponson du Terrail m'a utilisé aussi longtemps, c'est parce que les lecteurs demandaient ma présence. Ils l'exigeaient. Ce qui a fini par agacer Ponson, qui essayait de me tuer systématiquement. Hélas, pour lui, j'étais trop populaire pour faire un mort. Le public m'aimait. Le public aimait votre personnage d'assassin, sans cœur, sans scrupules? Absolument. Je poignardais, j'empoisonnais. J'étranglais. Les concierges et les bourgeois spammaient en lisant mes forfaits. Ponson devait me faire renaître à chaque fois. jusqu'au jour où il me changea. Ma résurrection ne fut pas que physique. Je devins un justicier désireux de racheter ses fautes. Dans la première partie du cycle, Sir William a une terrible influence sur vous. Vous voulez qu'on vienne au départ ? Oui, j'aimerais bien. D'accord. Entre nous, Sir William n'a rien de bien original. Je veux dire sur le plan littéraire. C'est l'homme fatal, cruel, terrible, libertin. Héros classique du mélodrame et du feuilleton pseudo-romantique. Une incarnation du diable. D'ailleurs, je l'appelle souvent le pâtissier, ce qui veut justement dire le diable en argot. Avant que je devienne le centre du récit, il est rusé, élégant et habile. Quand j'occupe le devant de la scène, les cartes sont redistribuées. Sir William est d'abord défiguré, puis perd l'usage de la parole et reste cloîtré chez lui. D'où il guide mes actes en écrivant ses ordres sur le papier. Il me met en scène. Il me distribue plusieurs identités. Il vous fascine, Sir William ? Disons qu'il m'étonne encore. Surtout quand je constate sa capacité à résoudre certains problèmes par la seule réflexion. Un peu comme l'abbé Faria dans le conte de Monte Cristo. J'admire son sens de la déduction. Et je finis par procéder de la même manière. Oui, mais enfin, Sir William, c'est donc un modèle pour vous ? Pas exactement. Je me soumets à son pouvoir et je combats ses ennemis, mais je n'ai pas envie d'oublier mes origines. Je fais illusion en marquis, en lord anglais, en soldat de l'armée polonaise parce que je suis bon comédien. Je sais me déguiser, me maquiller, prendre des accents. Mais profondément, je conserve ma gouaille d'enfant de Paris. Ce qui plaît beaucoup. Ce qui explique mon succès auprès des petites gens. Alors que Sir William les intéresse qu'en tant que comparse. C'est un modèle facile à reconnaître. Gosse de Paris, d'accord. Et aussi héros romantique. Ah, le goût pour les tempêtes, le vent, le sens de la destinée, c'est vrai. Moi, je m'en serais bien passé. Mes ponçons admiraient les romantiques et rêvaient d'être connus comme un des leurs. Personnellement, l'aventure pour l'aventure suffisait à mon bonheur. Mais quand vous revenez en justicier, on pense d'ailleurs aussi à Vidocq. Ponson du Terrain m'avait abandonné pendant 7 ans. Pendant ce temps-là, Les Misérables avaient été publiés. Ce fut un succès extraordinaire. Mon créateur décidait de faire de moi un bagnard repenti. J'en avais quand même trop fait sur le plan du crime pour être réhabilité comme Jean Valjean. Vidocq était plus plausible comme modèle. Pas au point de faire de moi un policier, donc. Bah, j'ai eu l'expérience des forçats en plus de celle des truands, mais en demeurant hors la loi. Une contrainte qui m'a fait être le premier bandit gentleman. Avant Arsène Lupin. En fait, je suis le grand passeur du genre. Et le premier détective qui déduit selon des indices. C'est ce que vous allez me dire. Vous avez eu une approche scientifique dans vos enquêtes. Sir William l'avait déjà. Ma grande ennemie Baccarat aussi. Même quand j'étais un criminel, je procédais ainsi. Mon sens de la réflexion me permit de découvrir le plan de mes adversaires ou de sortir des pièges qu'ils me tendaient. Tout cela n'est pas nouveau. Je fais des filatures comme Vidocq, j'utilise un chien pour suivre une piste, comme des héros de Fenimore Cooper, je me déguise pour démasquer mes ennemis comme Vidocq ou Vautrin, et je cambriole autant pour le bien que je tuais pour le mal. Aucune serrure ne me résiste. Est-ce que Ponson du Terrain connaissait les textes des nouveaux romanciers anglais ? Non, il est mort trop jeune pour les avoir lus. Il avait d'autres souvenirs de lecture. Bah, nous avons évoqué. Il s'en servait beaucoup pour aller plus vite, pour livrer son texte à l'heure. Il était obligé à improviser tout le temps. Il ne se relisait presque jamais. Le directeur du journal devait lui indiquer qu'il faisait agir des personnages qu'il avait tués quelques jours avant. Alors, il se creusait la cervelle pour trouver une justification à ses morts qui n'en étaient plus, d'où les sempiternels retours en arrière et quelques trouvailles insensées, avec des répétitions, des effets faciles. Puis des faiblesses dans le style. Le public n'était pas difficile. Hein. Oh, il se fichait des imparfaits du subjonctif. Quoi que l'on en trouve dans mes aventures. Mais ce qui comptait pour lui, c'était d'être tenu en suspens. Par tous les moyens. Le principe de la suite au prochain numéro. Rocambole sortira-t-il du tunnel de la mort? Rocambole s'évadera-t-il de prison? Rocambole tuera-t-il sa mère adoptive? Baccarat se vengera-t-elle de Rocambole? Armand démasquera-t-il Rocambole demain? L'étrangleur reviendra-t-il pour tomber dans le piège tendu par Rocambole ? Vous le saurez demain. Le lecteur restait sur cette image forte. Il attendait la prochaine livraison. Il s'inquiétait pour le sort des personnages de fiction. Il oubliait ses problèmes. Il se divertissait. Le public. C'était très efficace comme principe. J'étais un héros populaire, pas un personnage littéraire. Mais vous l'êtes devenu. Les surréalistes aimaient vos aventures. C'est vrai, ils aimaient. Et sans moi, il n'y aurait jamais eu Fantomas. Mais avant eux, Isidore Ducasse avoua sa passion pour moi. Le comte de Lautréamont a mis du rocambole dans son mal d'aurore. C'est flatteur, pour son Duterte, il aurait été fier d'une telle postérité. Je Je ne sais pas. Il y avait du succès, de l'argent, mais c'était aussi le bagne. J'étais son boulet. Un boulet en or, mais un boulet quand même. Il devait aussi se rendre compte qu'il devenait mon sœur William, pour le meilleur et pour le pire. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Au début de mes aventures, j'étais forcé d'obéir à mon créateur. Mais sœur William lui servait de relais, en dirigeant mes actes, en me distribuant dans certains rôles. Et quand les mutilations l'empêchèrent d'agir également, je devais exécuter les actes qu'il aurait voulu commettre. C'est pourquoi sœur William et Ponson du Terrail ont eu la même relation avec moi, en me faisant commettre toutes ces atrocités. Ils vivaient une vie qu'ils ne pouvaient pas assumer dans la réalité. Sœur William ne pouvait plus physiquement, et Ponson ne l'aurait jamais pu. Mais tous deux, grâce à moi, ils s'enrichissaient par le crime. Je l'ai bien nourri, Ponson du Terrail, au point qu'il a eu peur. Il m'a fait tuer Sir William, et pour ne pas subir le même sort, il m'a transformé en justicier, en homme honnête. Avait-il des remords ? J'étais increvable. Il se sécurisait en métamorphosant en homme bon. Cette transformation vous a déçu ? Non. Je vivais toujours des aventures extravagantes, avec des méchants terribles. Des histoires pleines d'invraisemblances auxquelles le lecteur voulait croire. Il y croyait d'ailleurs. Et surtout, il rêvait. Des cauchemars. Le public aime les cauchemars. C'est notre fonds de commerce à nous, les héros populaires de romans noirs. Vous semblez satisfait, Rocambole. Et reconnaissant envers Ponson. Et grâce à lui, Rocambole fut toujours un roi. Le roi des gamins de Paris, le roi des criminels, le roi des cambrioleurs, le roi des forçats, le roi des aventuriers, et même le roi des justiciers. De quoi pourrais-je me plaindre ? Surtout que j'ai mieux réussi que mon créateur, on ne dit pas Ponson du Terrailesque, mais bien Rocambolesque. Alors ? C'était « Héros du roman noir français ». 20 émissions de Noël Simsolo, réalisé par Dominique Costa. Aujourd'hui, Rocambole. Avec la voix de Christophe Allwright, Serge Martel, Jean-Baptiste Baronien et Didier Denynx. Texte de Ponson du Terrail, lu par Pierre Vernier. Archive, INA. Équipe technique, Jean-Louis Boissonnade, Yves Builly, Jean Fèvre et Agnès Varnier. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 31 juillet 1991. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.